panneau indique la présence d'une voie de détresse à droite. C'est un dispositif que l'on retrouve en général en bas d'une longue pente, destiné à stopper les véhicules qui auraient une défaillance du système de frein. Cela concerne davantage les camions. Ce panneau rappelle au conducteur que l'arrêt et le stationnement sont interdits sur la voie de détresse et ses alentours, ici sur une distance de 30 mètres. Cette balise met en évidence l'aspect dangereux du virage. Aucun parking, aucune déviation annoncée ici. Réponse A et C.